Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà 10 ans que dure le siège de Troie. 10 ans que Paris, fils du roi Priam, a enlevé Hélène, l'épouse de Ménélas, roi de Sparte. 10 ans que l'armée d'Agamemnon cherche à venger l'outrage. L'Iliade détaille les événements survenus pendant quelques semaines de la 10e et dernière année de cette guerre de Troie. Un texte épique, une bataille sanglante où les plaies se mêlent aux larmes, d'où est née rien de moins que l'histoire de la philosophie. Pour vous, cette semaine, voici l'Iliade de Homère en grec ancien. Ομήρου Ιλιάδα, ραψοδία αλφα. Τιμάνι τα θεά τραγούδα μας του ξακουστού Αχιλλέα. Ανάθεμα τι πίκρες σπουδοκές τους Αχαιούς περίσχες. Vous avez eu peur, hein, mais non, les textes seront évidemment en français. L'idée était de provoquer en vous la même colère qui anime Achille au tout début du texte. Cette colère qui anime les premiers vers du chant que voici en français, lu par Georges Clès. D'Achille, fils de Pélée, déesse, chante la colère. Cette abomination qui imposa aux Achéens des milliers de douleurs et jeta dans l'Hadès d'innombrables âmes solides de héros et d'eux fit le butin des chiens et de tous les oiseaux. La décision de Zeus s'accomplissait. Chante, depuis le premier moment où dans leur querelle se désunirent l'Atride, seigneur des hommes, et le divin Achille. Quel dieu les poussa l'un vers l'autre à se battre en querelle? Le fils de Leto et de Zeus. Car, irrité contre le roi, il leva dans l'armée une maladie mauvaise. Les gens mouraient parce qu'il avait humilié Chrysès, son homme de prière, l'Atride. Car il était venu au bateau rapide des Achéens pour libérer sa fille. Il apportait une rançon infinie, avec dans les mains les guirlandes d'Apollon, le frappeur de loin, sur son sceptre d'or. Et il suppliait l'ensemble des Achéens, et surtout les deux Atrides, ordonnateurs des peuples. « Atrides, et vous tous, les Achéens, aux bonnes jambières, qu'à vous, les dieux qui tiennent maison dans l'Olympe, donne de ravager la ville de Priam et de bien rentrer chez vous. Mais libérez mon enfant chéri, et acceptez la rançon par crainte du fils de Zeus Apollon, le frappeur de loin. » Alors, tous les Achéens crièrent avec joie leur disposition à honorer le prêtre et à accepter la rançon éclatante. Mais il n'y eut pas de plaisir dans le cœur de l'Atride Agamemnon. Mauvais, il le congédia et le commanda d'une parole puissante. « Évite que je te trouve, vieillard, près des bateaux creusés ou que tu y traînes maintenant ou que plus tard tu reviennes. Évite que ton sceptre et la guirlande du dieu ne te servent à rien. Je ne la libérerai pas. Auparavant, la vieillesse viendra sur elle dans notre maison à Argos, loin de sa patrie, tournant autour du métier et approchant mon lit. Va-t'en, ne me mets pas en querelle si tu veux rentrer sauf. » Bonjour Pierre Judet de Lacombe. Bonjour. Bienvenue sur le chemin de la philosophie. Je suis ravi de vous accueillir pour inaugurer cette semaine sur l'Iliade que vous êtes en train de traduire. Exactement, et oui, ça avance. Vous en voyez la fin ? Bientôt. Bon, courage, parce que c'est un texte, et je voudrais qu'on commence par là. J'allais dire que c'était le texte de la colère, mais c'est un texte d'une violence inouïe. Alors c'est très très violent, c'est-à-dire que c'est un débordement d'affect, de colère, du côté d'Achille évidemment, mais du côté des dieux, du côté des Grecs. Il y a beaucoup de morts, c'est un peu pénible à traduire à force. J'imagine. Donc beaucoup de massacres, mais c'est un texte extraordinaire par la puissance d'analyse, par le fait, la précision poétique, c'est l'usage du langage est stupéfiant, c'est en traduisant qu'on s'en rend compte. Et je veux dire, c'est une beauté inouïe et une force surtout parce que ça dit sur tous les débordements possibles et qui prennent une forme à travers cela. Donc c'est ça le paradoxe, les affects les plus grands, les désordres les plus grands, là, comme celui qui commence, là, qu'on voit avec la colère d'Agamemnon, qui est la première colère du poème. Eh bien, donc ces désordres prennent une forme esthétique, une forme par le vers, par le récit. Et donc ça, c'est extraordinaire de suivre ce cheminement. Le vers aussi est en colère? Le vers est donc l'hexamètre dactylique, comme on dit, que Homère n'a pas inventé, une forme ancienne, est une forme déséquilibrée. C'est ça qui n'est pas coupé en son centre, donc c'est comme un déhanchement. Et donc il y a une espèce de moment de suspens, et après on tombe sur ses pieds avec une pause. Et donc ça dit bien ce que veut faire ce type de poème, c'est-à-dire on va dans le désordre, on va dans la déviance, et à un moment ça se rattrape. Donc et du coup les auditeurs, puisque c'était de la poésie orale, bon ça c'est absolument sûr, donc étaient pris dans cette danse qui est liée à la langue avec un usage de la syntaxe, c'est-à-dire de la manière de lier les mots, extraordinairement précis et très très tenu. Et c'est ça qui, justement, c'est ce lien qui fait qu'il y a une danse et qu'il y a les significations virevoltent, si on peut dire, et qu'on est surpris par la richesse. C'est pas du tout l'image d'un monde figé, non, c'est pas une idée, c'est une expérience. Ça veut dire que ce qu'on tient comme étant la première épopée de l'histoire de l'humanité est un texte de colère, c'est intéressant, c'est pas anodin. Oui. Non, c'est pas. Alors, c'est le premier texte grec que l'on ait. Il y a peut-être deux vers d'un autre poème de Mel de Corinthe avant, mais bon, c'est le premier texte complet que l'on ait. Bon, du 8e siècle avant Jésus-Christ, mais là, c'est toute l'immense querelle homérique. Bon, moi, je pense qu'effectivement, c'est plutôt début 8e siècle avant Jésus-Christ. Et c'est un texte donc qui est déjà un tout qui a dû impressionner. Dire que donc un texte de colère, c'est pas un texte de sagesse, c'est pas un texte de morale. Ça, on peut essayer de tirer des morales de l'Iliade, mais on n'y arrive pas. On arrive à des choses un peu bêtasses, quoi, en général. Je veux dire que c'est plutôt c'est un texte d'expérience paroxystique dans tous les sens, et d'intelligence, où les dieux sont confrontés à eux-mêmes, regrettent leurs décisions, ils en pleurent, comme on verra, les héros ne comprennent pas. C'est un texte de l'opacité du monde. Il y a ce que dit au début, là, le texte, la décision de Zeus, donc la boule à Dios, la décision, est une chose absolument incompréhensible. C'est ça le... De quoi décide Dieu? Alors Zeus décide que Achille a raison d'être en colère. Il décide pas nécessairement de la colère d'Achille, ça on saura plus tard que oui, effectivement, mais il décide que Achille a raison d'être en colère, parce que sa captive va lui être prise, et donc Zeus décide que les Grecs, que pourtant il soutient dans la guerre contre toi, pour des raisons qui ne sont jamais dites, que les Grecs doivent perdre, doivent être massacrés pendant plusieurs jours. Et donc, il y a ces mots au départ, dans le tout début, qu'on appelle le proème, enfin dans cette version du proème, parce qu'il y en a plusieurs. Les cadavres des Grecs sont laissés sans sépulture, dévorés par les chiens et les oiseaux, ce qui est d'une impiété inouïe, c'est-à-dire c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Or, un vers dit comme ça, presque en passant, ainsi s'accomplissait la décision de Zeus. Zeus décide qu'il y aurait cette monstruosité énorme, ce désordre infini de milliers de cadavres grecs laissés comme ça en pâture aux bêtes, contre tout rituel, contre toute piété, alors que Zeus est le dieu de la piété, c'est le dieu de l'ordre. Donc l'Iliade commence par cette énorme dissonance, hein, c'est comme une symphonie de malheur, si on veut, donc un énorme accord dissonant. Quelque chose d'inouï, de monstrueux, d'un point de vue humain, d'un point de vue divin, a été voulu par le roi des dieux. Donc pourquoi Zeus, en charge du maintien des ordres humains, a-t-il décidé que le malheur allait advenir, que le chaos allait advenir? Alors que le malheur arrive, ça c'est normal. C'est-à-dire que si quelqu'un est criminel dans une ville, la ville est détruite. Ça, c'est pour un grec, ça faisait pas de problème. Ça jusqu'au 5e siècle, c'est un peuple de massacreurs quand même. Faut pas l'oublier. Donc on peut être humaniste, mais enfin c'était des gens qui pratiquaient la violence. Et donc Hésiode a théorisé ça. Quand quelqu'un est coupable d'une faute si un roi rend un mauvais jugement dans une ville, il est normal que par la colère de Zeus, la ville disparaisse. Là, il y a peut-être, bon ça c'est un débat. Je veux dire, Troie est coupable parce que Troie a donc Paris a volé la femme de Ménélas, fille de Zeus, Hélène, la plus belle femme du monde, en prenant aussi les trésors de Ménélas, en passant. Et donc, bon, ça pour des raisons qui sont liées à la nature de Troie. Troie, c'est la ville de la prospérité, de la richesse, de l'accumulation de l'or, de l'amour, de la fécondité. Donc, effectivement, prendre Hélène, c'est quelque chose de normal. Paris a choisi Aphrodite, après tout. Donc, ce qui est tout à fait dans la logique des choses. Mais c'est un crime. Enfin, c'est une l'honneur de Ménélas et des Grecs donc a été bafoué. Donc Zeus aurait toutes les raisons, on peut dire, légales, on peut dire, de s'en prendre aux Troyens. Alors ça, est-ce qu'Homère pense ça? Ça s'est laissé en suspens, disons. Mais ce qui est frappant, c'est que Achille a été lésé, donc ça, on pourra voir tout de suite pourquoi. Et là, Zeus dit, ben, la colère d'Achille, c'est une colère que nous, Dieu, nous allons, enfin, ou moi, en tant que roi des dieux, je vais sanctionner. Et je vais déchaîner le désastre contre les Achéens, c'est-à-dire les Grecs. Donc les dieux ne comprennent pas, les hommes ne comprennent pas, et ils sont face à ce qu'on peut dire, c'est cette réalité, c'est-à-dire la colère, la décision de Zeus qui prend la colère d'Achille comme moyen de détruire provisoirement les Grecs. Du coup, Patrocle, l'ami d'Achille, va lui-même être tué, et c'est à ce moment-là que Achille va prendre les armes pour tuer celui qui a tué son ami Patrocle, à savoir Hector, le défenseur de Troie. Et du coup, Troie va tomber. Et ça, on peut dire que le fait, voilà, cet enchaînement, colère d'Achille, mort de Patrocle, mort d'Hector, chute de Troie, c'est le mythe. C'est pas Homère, ça, c'est ce qui était donné, c'est la tradition, c'est la violence, une succession de violences qu'on peut interpréter comme on veut, mais bon, elle est là. C'est un ordre nécessaire des choses. Et surtout, on peut dire, c'est la réalité. Ça, aucun dieu ne pourra changer ça. Une fois que le processus est enclenché, même Zeus va pouvoir le regretter, mais c'est un processus nécessaire. C'est le réel, on dirait. Ça ne peut pas être autrement. Et c'est scandaleux. C'est scandaleux parce que ça va faire ces morts grecs laissés sans sépulture. Les dieux vont être en état de guerre civile. Le camp grec est en état de guerre civile. Et le camp troyen frôle la guerre civile, doit se réconcilier, mais pour périr, pour aller dans l'excès, continuer la guerre, refuser toute forme d'accord, etc. Donc là, on a une espèce de réalité comme ça, très très dure, qui décide de la destruction des ordres humains et divins qui... Donc ce ne sont pas les dieux qui décident? Alors, c'est nécessaire. Il y a une forme de fatalité, alors voilà, ça, de destin. Alors ça, c'est tout un débat. Pour Homère, pose les deux en disant, alors on a de bonnes raisons de penser que ce qu'on appelle le destin, la moira, c'est-à-dire la part des choses ou aïssa, ce qui revient aux êtres humains et divins, que cela n'est pas indépendant de Zeus. C'est Zeus qui l'a voulu. Alors après, on peut demander pourquoi, mais Zeus l'a voulu. Et ensuite, il est confronté à la dureté de sa décision. Et pourquoi? Alors, on peut reconstituer dans l'Iliade pourquoi il l'a voulu. Parce qu'il sait que pour que Troie tombe, alors pour une raison qui n'est jamais dite, en fait, dans l'Iliade, pour que Troie tombe, il faut qu'il y ait un héros en colère, mais en colère cette fois de destruction et non pas, mais de l'ennemi et non pas de destruction de ses amis, Achille, qui est le seul qui pourra vaincre le guerrier qui défend Troie, à savoir Hector. Et pour que Achille soit vraiment dans cette rage qui fait qu'il va pouvoir affronter un fleuve, affronter des centaines de Troyens et tuer Hector, il faut qu'il ait envie de venger son ami Patrocle. Donc il faut la mort de Patrocle pour que Achille entre dans cet état de violence telle qu'il va en faire un guerrier absolument non fonctionnel, atypique, presque cosmique, qui va donc détruire les forces troyennes. Et donc et Zeus accepte d'abord que les Grecs perdent, il accepte ensuite que Patrocle donc se mette en armes, en combat pour défendre les Grecs un moment, mais aille trop loin même, tue son fils Sarpédon, le fils de Zeus. Zeus l'accepte, il envoie une pluie de sang pour dire voilà, cela est triste et c'est le deuil. Donc il accepte cela pour que Achille se trouve en condition de force, d'énergie, de colère, mais une colère donc dirigée contre les ennemis pour venger, pour prendre Troie. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Achille est tellement fort que, alors c'est là qu'on voit que Homère s'amuse avec les mythes, Achille est tellement fort qu'il risquerait de prendre Troie tout de suite, tout seul. Donc, et Zeus dit au dieu, eh bien écoutez, il faut l'empêcher, parce que là il va trop vite, eh bien faites-vous la guerre entre vous, ça va le freiner. Donc on a un mythe extraordinaire qu'on trouve en Orient partout de la guerre des dieux aussi. Après ça va devenir un déluge comme dans la Bible ou dans Gilgamesh. Tous ces grands mythes qui disent la fin d'un monde servent uniquement de frein contre Achille, c'est-à-dire ça montre à quel point cette colère là d'Achille, cette fois la colère contre les ennemis, est une force gigantesque. Donc on est bien dans les affects, on n'est pas dans l'histoire universelle avec les grandes périodes du monde, etc. Homère connaît tout ça, il le réutilise pour créer ce monde qui est un monde, c'est vrai, fini, c'est le monde des héros n'est pas le nôtre, mais où les affects, les désirs, les idées sont poussées à l'extrême parce qu'elles se heurtent à ce réel que Zeus a voulu, qui est inébranlable. Ces affects et ce réel racontent néanmoins une histoire, qui est celle de l'Iliade et qui peut être un peu déconcertante pour quiconque ne serait pas vraiment familier du texte. En fait, c'est la plupart d'entre nous, on connaît le texte, mais rares sont ceux qui l'ont vraiment lu, qui se sont plongés dans ces vers qui sont d'une violence et d'un rythme inouï. Je vous propose qu'on se mette à la place d'un enfant à qui on raconterait cette histoire, les questions qu'il pose et les réponses que son père, sans doute, lui ferait. Mettons-nous le temps de 1 minute 44 dans la peau d'Heinrich Schliemann qui pose les questions à son père. Je vous dirai ensuite qui est Heinrich Schliemann. Ah, c'est toi, Heinrich ? Oui, père. Eh bien, mon garçon, où étais-tu ? Pas loin, père. Tout près. Alors, tu rêvais ? Non, père. Je pensais. Tu penses beaucoup, Heinrich. Tiens, j'ai trouvé quelque chose qui va t'intéresser. Regarde le livre, là. Tu vas rencontrer à l'intérieur une image qui couvre deux pages. Celle où il y a du feu ? Du feu, des tours et des murailles. C'est celle-là, hein, père, c'est celle-là ? Oui. C'est l'histoire que tu m'as racontée, hein, papa ? C'est Troie. Alors, c'est vrai, Troie a bien existé ? La guerre de Troie a eu lieu ? Heinrich, comme tu vas vite à penser. Il faut considérer toute histoire avec précaution. La guerre de Troie a eu lieu puisque le monsieur l'a dessinée, là. Mon enfant, ce n'est là qu'une image inventée. Comment te dire si Homère, l'auteur présumé de cette histoire, a même réellement vécu ? Mais celui qui a raconté cette histoire a bien vécu, père, puisque cette histoire existe. Et bien sûr, Heinrich, bien sûr. Alors pourquoi qu'il aurait menti ? Il n'a pas menti, petit. Il a raconté un mythe. Les mythes ne sont pas des mensonges. Alors, s'il n'a pas menti, père, Troie a existé, et Priam, Hector, Achille, Ulysse aussi, père. Raconte-moi à nouveau, raconte pour que je me rappelle. Oh, c'est une histoire simple, mon enfant. Hélène vivait à Sparte. Elle était l'épouse de Ménélas, le roi de la cité. Un jour, Paris, le fils de Priam, monarque de Troie, vint à Sparte et enleva Hélène pour en faire sa femme. Ménélas appela toute la Grèce pour aller abattre Troie et reprendre Hélène. Et toute la Grèce combattit 10 ans autour de Troie pour reprendre la femme de Ménélas. Et voici le début de l'histoire de l'Iliade qui nous accompagne cette semaine sur les chemins de la philosophie sur France Culture. Il est 10h17 et j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Pierre Judet de Lacombe pour vous parler de l'Iliade. L'extrait qu'on a entendu mettait en scène le jeune Heinrich Schliemann. Qui est-il, Pierre Judet de Lacombe ? Oui, ben c'est un homme extraordinaire, donc quelqu'un qui a redécouvert Troie, un archéologue. Il a redécouvert, il s'est fasciné pour cette époque, l'époque héroïque, donc... aussi bien à Mycène, mais surtout à Troie. Donc, il a situé Troie. Et on pense qu'il a trouvé des bijoux aussi, des choses extraordinaires dont il apparaît sa femme, tout ça. Donc, c'était l'idée que voilà, il fallait retrouver quelque chose de proche d'Homère. Alors, depuis, l'archéologie a progressé. On sait que ce que lui... C'était en 1870. Oui, c'était au 19e siècle. Les ruines de Troie. Bon, grand moment où la culture grecque, la Grèce, bon, il y avait Wagner aussi, etc. Donc c'était Nietzsche, tout ça. C'est une chose qui est, dont c'était extrêmement vivant. C'est pas du tout comme aujourd'hui, si on peut dire. On avait l'impression de faire un grand saut dans le temps en retrouvant tout ça. Alors ce qui était fondateur, ça c'est vrai. Après, bon, c'est les gens qui ont travaillé après lui, donc ont élargi tout ça. Et maintenant, c'est vrai, on se fait Troie à exister. On se fait une toute autre idée de Troie, qui était une très grande ville, en fait, et pas du tout simplement la citadelle que lui avait vu, c'était une ville de l'Empire hittite, et des gens comme Priam ont existé, enfin des gens ont porté ce nom-là, donc on fait des découvertes maintenant côté hittite, et là il y aura sans doute de nombreuses découvertes qui vont être faites, donc on verra qu'il y a une réalité de ce monde qui était un monde moderne, d'une certaine manière, avec un empire, côté grec aussi il y avait une bureaucratie, etc., il y avait un mode de gestion du pouvoir qu'on retrouve pas vraiment dans Homère, parce que tout ça a été pour oublier, parce qu'il faut bien voir que pour Homère, enfin les gens de son temps, du 8e siècle, Troie, Agamemnon, Ménélas, c'est comme l'Antiquité pour nous. C'est-à-dire, c'était une Antiquité. Ils avaient des ruines, ils voyaient ces palais dont ils ne savaient pas vraiment l'usage. Ils avaient perdu l'écriture, enfin plutôt une autre écriture était venue, mais qui n'avait rien à voir et que Homère sans doute n'utilisait pas. Et donc pour eux, c'était un passé disparu. Donc on reconstruit donc il y a des bribes, il y a des objets qui restaient, etc. Donc et des légendes évidemment, des noms, tout ça et des mythes. Donc on reconstruit ce passé en sachant qu'il est coupé de nous. Donc le Et il faut tout un poème, c'est l'Odyssée, qui est le retour. On quitte ce monde héroïque de la guerre de Troie pour revenir dans le présent. Il faut toute l'Odyssée pour faire ce saut dans le temps, de certaine manière. Et trouver une génération, les prétendants, qui n'a pas fait la guerre. Donc Homère réfléchit sur ce qui nous sépare du passé. Il y a déjà une pensée de l'histoire, mais c'est pas une pensée de l'histoire tournée vers l'avenir, c'est vers le passé. C'est-à-dire que tout ce qui est grand, fort, beau, parfait... C'était avant. C'est avant. Tout le, bon, l'équivalent, ça c'est toujours vrai. Hein. Ça c'est plus ou moins. Ouais, on peut quand même espérer un peu dans le futur. Mais c'est un discours qu'on entend toujours. Oui, c'est ça. Mais il n'y a pas de no future. Et donc c'est la perfection qui était aussi très cruelle parce que c'est ce monde de guerre, de crise. C'est dans le passé, là où on pouvait être isothéos, c'est-à-dire égal à un dieu. Donc il y a une apothéose des humains. Qui alors pouvaient être des demi-dieux, mais ça c'est un monde qui, c'est vrai, est fini pour nous. Pour Homère, nous n'avons plus le même contact avec les dieux, nous il faut passer par des sacrifices, par des devins qui sont dans l'Iliade, mais personne, aucun grec de l'époque d'Homère ne va discuter avec Athéna ou Héra. Ça c'est une chose que, non, ça c'était les gens d'avant, de la génération d'avant. Et donc voilà, donc Schliemann, on peut dire oui, il a ouvert à ça, la queue de thé à ça, et maintenant on redécouvre, donc on a redécouvert ce monde, et on redécouvre petit à petit les siècles intermédiaires, donc ce qu'on appelait les siècles obscurs entre la chute de cette civilisation mycénienne et le 8e siècle. On voit que c'était beaucoup moins obscur que ce qu'on pensait, mais le 8e siècle c'est un siècle de renaissance, et donc c'est un peu comme à la Renaissance, on a redécouvert les anciens, et bien au 8e siècle, des gens, enfin, qui s'appelaient Homère, ou qui se revendiquaient du nom d'Homère, ont créé ce poème monumental où ils reprennent toutes les traditions. Ils reprennent même des formules, des traditions poétiques différentes, des histoires différentes pour construire cet événement gigantesque de la colère d'Achille. Donc, je précise, quand vous dites 8e siècle, c'est avant Jésus-Christ. Ah oui, c'est avant. Non, parce que ce qui nous paraît déjà avant l'Antiquité, était, vous le dites, une autre manière de se tourner vers une autre période avant l'Antiquité. Pour eux, ce sont les anciens. Ils disaient, à cette époque-là, les hommes étaient plus forts que nous. Il faut une pierre. Hector peut soulever une pierre tout seul, alors qu'il faudrait 4 hommes pour la soulever maintenant. À la question de savoir que pose le petit Heinrich Schliemann dans l'extrait qu'on a entendu, c'était une dramatique de France Inter qui date de 1966, la guerre de Troie aura lieu. À la question qu'il pose à son père de savoir si Homère a vraiment existé, vous avez dit, c'est sans doute un collectif d'auteurs. Est-ce que la question est importante? Ça change le rapport au texte. Alors ça dépend. Elle est importante en fonction des idées que nous, contemporains, nous faisons de ce qu'est un auteur. C'est-à-dire que, comme aucun ancien n'a jamais douté de l'existence d'Homère, ou parfois il en fallait deux pour les deux poèmes, mais parce que pour eux, un auteur, c'était pas du tout le démiurge qui est le génie à partir duquel une œuvre peut sortir comme... Non, c'était pour eux, un auteur, c'était un garant. C'était quelqu'un qui porte un texte. Et ensuite, ce texte, on pouvait le changer. Même des auteurs beaucoup plus récents, comme Eschyle, on pouvait rajouter à la fin du 5e siècle une scène à une pièce d'Eschyle, parce qu'on trouvait que c'était mieux comme ça. Et ça posait de problème à strictement personne. Bon, là, pour Homère, c'est sans doute ça. C'est-à-dire que on peut dire, c'est d'abord, il y a une décision. C'est-à-dire, à partir de toutes les traditions qui existaient depuis très longtemps, l'idée de faire un texte. Quand même, non pas un texte écrit, mais un texte oral, très long, 16 000 vers, 3 jours, et qui soit vraiment composé autour de cette crise qu'est la colère d'Achille, due à une crise dans le camp achéen. Bon, dans le camp grec, le camp grec ne fonctionne plus. Bon. Et donc, on crée cet événement, et c'est à partir de cet événement que tout le mythe de Troie va être re-raconté. Et ça, c'est les interprètes observent ça. C'est l'Iliade, donc, comme vous l'avez dit au début, c'est la fin de la guerre de Troie. Enfin, c'est la fin dans la 10e année. Eh bien, tout est repris. La séduction de Paris et d'Hélène est rejouée, mais dans la chambre de Paris, donc au champ 3. Au champ 2, il y a un énorme catalogue des forces grecques qui vont donc partir à l'assaut de Troie. Là, on se demande pourquoi, parce que si c'est la 9e année ou 10e année, tout ça c'est connu. Eh bien oui, c'est-à-dire, tout est rejoué, mais alors dans cette situation paradoxale, c'est pour ça que c'est un poème difficile, c'est rejoué alors que Achille n'est pas là. Et donc là, on a un paradoxe. Comment les Grecs peuvent-ils vouloir gagner contre Troie sans Achille, qui est le meilleur des Achéens, le meilleur des Grecs, et le seul qui puisse vaincre Hector? Et l'Iliade, c'est un poème justement expérimental. C'est pour ça que c'est complexe. Ça joue, d'abord, on fait une Iliade sans Achille. Ça marche pas. Après, Zeus dit, bon, bah, écoutez, oh Dieu, vous n'allez pas intervenir, c'est moi. C'est-à-dire qu'Achille refuse de se battre au début du texte, voilà, puisque Agamemnon a volé sa fiancée Briseis. Voilà, c'est qu'il a, on a entendu le prêtre Chrysès, là, le prêtre, un des rares prêtres un prêtre d'Apollon, qui réclame sa fille, qui était prise comme captive, et Apollon lui dit, va-t'en. Bon, vraiment, je veux plus entendre parler de toi. Du coup, il va prier Apollon, son dieu, et Apollon envoie la peste. C'est la colère d'Apollon. Et alors, les Grecs ne comprennent pas. Achille demande une assemblée. Il dit, il faut qu'on interprète ça. Il demande à un devin, Calchas, d'interpréter. Le devin dit, oui, j'ai peur. Je dois dire que c'est le dieu est en colère parce que Apollon ne veut pas restituer sa fille, Chryséis, la fille de Chrysès. Alors, Achille dit, il faut la restituer, quoi, c'est tout. Et Agamemnon, pas question, parce que si moi je rends ma captive, moi qui suis le roi supérieur... Oui, parce que c'est Agamemnon qui l'a capturée. Oui, c'est lui qui on lui a donné. Alors il dit, si je la restitue, moi je n'ai plus de captive. Et toi, t'en auras encore une, alors que t'es inférieur. Alors Achille lui dit, on va t'en donner 10 quand on va prendre 3. Il dit, pas question, dit Agamemnon, donc je vais prendre la tienne. Et là, c'est le doule, il y a des injures extrêmement... Achille traite Agamemnon de bouffi de vin, etc., de lâche, tout ça. Ils veulent tuer, mais Athéna l'arrête. Et donc c'est là qu'il se met en colère avec l'aval, l'accord des dieux. Thétis, sa mère divine, qui est une divinité en fait très puissante, dit à Achille, mets-toi en colère. En grec, manie, elamenis, la colère. Mets-toi en colère, tu peux. Et moi, je vais demander, et avec ton accord, je vais demander à Zeus de punir les Grecs. Voilà. Et donc, c'est ce qui se passe. Alors, c'est très intéressant. Ça veut dire que la cité grecque est le camp des Achéens, des camps des Grecs, qui fonctionne comme toute cité, une norme fondamentale, c'est le partage du butin. Et qui doit se faire, sous le regard de tous, en public, de manière réglée, de manière inégale. Le roi des rois a plus que les autres, mais il y a un accord. Et là, si Agamemnon prend la captive d'Achille, parce qu'il doit rendre sa propre captive qui est la fille d'un prêtre, donc qui ne pouvait pas être en fait une captive, qui ne pouvait pas entrer dans le butin, elle appartient aux dieux. Eh bien, à ce moment-là, tout s'effondre. La cité grecque s'effondre. Et alors, Zeus va demander aux dieux, va soutenir les Achéens, les Grecs va soutenir les Troyens. Ouais. Donc les dieux qui soutenaient les Grecs, Athéna, c'est pas rien, Poséidon et Héra vont se mettre en quasi-guerre civile. Donc on aura une crise dans le monde divin et dans le monde Troyens vont dire, voilà, on peut gagner maintenant. Et donc, il y aura aussi une crise dans le monde troyen. Ils vont aller trop loin, ils vont être dans l'excès. Et donc, c'est intéressant, la colère d'Achille qui est due à une impossibilité politique du côté grec, c'est-à-dire la cité grecque fondée sur le partage, donc la répartition spatiale des parts bien correcte, ne marche pas. Et du coup, c'est ça qui engendre toute l'histoire. Et comme Achille, pour se venger, va demander à Zeus une vengeance dans le temps. Non pas une richesse supplémentaire, ça on va lui proposer tout ça. Dans le temps, je veux la destruction des Grecs. Jusqu'à ce qu'ils me supplient absolument au moment où ça sera le désastre pour eux, et c'est ce qui va effectivement arriver. Et contre toute attente, le Zeus va soutenir momentanément en tout cas l'armée grecque, ce qui lui vaudra quelques larmes. On va écouter le texte dans un instant, mais d'abord, Pierre-Judé de Lacombe, est-ce que dans ce texte, les femmes sont autre chose qu'une monnaie d'échange ou... Alors, c'est très très intéressant. On est dans un monde, effectivement, de machiste, ça c'est clair, mais comme toute la domination, une domination est très... Il faut l'argumenter, c'est pas évident. Et les femmes... Donc, alors, la première d'entre elles, c'est... Enfin, si on ne tient pas compte des déesses, c'est Hélène. Hélène ne cesse de s'accuser, face de chienne. Elle s'injurie elle-même parce qu'elle sait que ce qu'elle a fait c'est une transgression, que à cause d'elle donc les hommes meurent. Donc là, les femmes ont une position critique. Même chose pour Andromaque. Andromaque parle à Hector, son mari. Donc elle annonce toute l'avenir, la prise de Troie, la mort de leur fils Astyanax qui sera massacré par les Grecs. Donc les femmes ont cette la voix féminine, c'est la voix critique. Si on peut dire, c'est la voix qui dit ce qu'il en est quant au monde vécu de tout ce qui a lieu. Et donc c'est pour ça qu'on voit que c'est pas du tout un poème éloge de la guerre, de l'héroïsme, ça certes pas. C'est un poème qui dit mais qu'en est-il de la chair humaine, si on peut dire, aussi qui est la même que la chair divine quasiment, qu'en est-il du monde de l'expérience quand arrive cette confrontation avec ce que j'avais appelé le réel, c'est-à-dire la nécessité absolue du mythe. Donc la cécité que Troie tombe. Et donc, il supplie, et on voit aussi les femmes. L'Iliade finit par les lamentations de trois femmes, ce qui est absolument extraordinaire. Donc, Hécube, la mère, devant le corps d'Hector, qu'Achille a fini par restituer. Dernier chant, Hécube, la mère d'Hector, Andromaque, sa femme, et même Hélène. Et donc là, elles disent l'envers de l'histoire, d'une certaine manière. Et donc, on finit dans ces pleurs-là. On retrouvera les femmes un peu plus tard cette semaine. On va rester dans les pleurs d'abord, mais cette fois-ci les larmes de Zeus. Écoutez cet extrait du chant 8, des vers 225 à 252, dans votre traduction, Pierre Judé de Lacombe, lu par Georges Oclès. C'est Agamemnon qui s'adresse à Zeus pour se plaindre de son ingratitude. Les Achéens avaient tiré leurs bateaux équilibrés aux extrémités, confiant dans leur courage et la force de leurs bras. Agamemnon hurla d'une voix qui toucha les Danaïens en profondeur. « Honte, Argiens, sales ignominies, imposants de façade! Où sont allées vos prétentions du temps où nous nous disions les meilleurs? Quant à Lemnos, vous discouriez en vantard de vide, à manger mille viandes de bœufs droit en corne, à boire le vin de cratère plein jusqu'à la couronne. Face à 100, face à 200 Troyens, chacun de vous tiendrait au combat. Aujourd'hui, nous ne valons pas un seul. Zeus, père, est-il déjà arrivé que l'un des rois supérieurs en force, tu l'aies égaré en telle erreur, et tu lui aies retiré si grande puissance? Jamais, je te le dis, je n'ai dépassé aucun de tes autels et leur extrême beauté avec mon bateau et ses tolaises innombrables dans ma course errante vers ici. Mais sur chacun, j'ai brûlé la graisse des bœufs et les cuisseaux dans mon désir de ravager Troie et son beau rempart. Mais Zeus, donne de ta tête l'assentiment à mon vœu. Nous, malgré tout, laisse-nous trouver issue et refuge. Ne laisse pas comme cela les Achéens dominés par les Troyens. » Agamemnon dit cela, et le père sur lui, qui était en larmes, pleura. De la tête, il lui accorda que l'armée soit sauve et ne meure pas. Il lança aussitôt un aigle, le plus accompli des êtres ailés, qui tenait dans les serres le faon né d'une biche rapide. Près de l'autel de Zeus, extrêmement beau, il le lâcha, là où pour Zeus, seigneur de tout oracle, officiaient les Achéens. Lorsqu'ils virent que l'oiseau venait de Zeus, plus encore, ils se ruèrent contre les Troyens, la joie de l'assaut en tête. La colère d'Achille et les larmes de Zeus sont sur France Culture ce matin sur les chemins de la philosophie à 10h32. Pierre Judé de Lacombe, pourquoi Zeus pleure-t-il ? Bien parce que effectivement, c'est-à-dire que c'est Zeus quand même. C'est il est Zeus pas censé qui pleure. Pleurer. Alors, mais ça, c'est les dieux sont les dieux. Faut sortir de la tête tout ce que les religions de monothéisme nous ont appris, ce que les philosophes nous ont appris aussi, c'est-à-dire que les dieux sont dans le monde. Il y en a un simplement qui est, parce que c'est l'aîné, qui peut gérer le monde, c'est-à-dire gérer les pouvoirs entre les dieux. Et là, il a donné son accord à la mère d'Achille, Thétis, pour dire je vais ravager, massacrer les Grecs d'abord. Mais après, on apprend que ce massacre des Grecs par les Troyens, en fait, c'est une condition pour que Achille, donc une fois que Patrocle sera mort, que vous êtes condition pour que Achille reprenne les armes et soit finalement victorieux. Donc c'est vraiment dialectique, c'est une ruse de la raison, pour employer un concept moderne. Et là, on est dans un champ où Zeus a interdit aux dieux d'intervenir, donc c'est le champ 8, il les menace de manière extrêmement puissante, et il donne la victoire aux Troyens. Donc les Grecs sont désespérés, alors que ils avaient reçu la promesse de la prise de Troie. Donc c'est l'inintelligible absolu. Donc ils peuvent pas rentrer dans les raisons de Zeus, évidemment. Et alors c'est très intéressant, parce qu'on voit que là, donc le réel, c'est cette décision qui fait que les Troyens vont gagner momentanément. Et Agamemnon, Et lui, il parle au nom de la religion. Il dit, mais je t'ai rendu, je t'ai fait le culte le meilleur. Je n'ai jamais dépassé un de tes autels sans te faire une cérémonie. Et Zeus, donc, est contre lui-même. C'est-à-dire que le dieu a besoin du culte humain. C'est-à-dire que c'est pas le dieu tout-puissant qui peut agir simplement par colère. Non, c'est un dieu qui est nourri par les actes d'offrande des hommes. Parce que les actes d'offrande signifient que l'ordre du monde est bien respecté, que chacun est à sa place. Or là, donc, il va même contre son propre culte, d'une certaine manière. Et c'est pour ça qu'il fait la sagesse extraordinaire. Donc, c'est lui-même qui fait un sacrifice. Il envoie une biche sur l'autel de Zeus, qui en plus est appelé là de manière bizarre, seule fois, l'autel du Zeus des oracles. Puisque, en réalité, ce que Zeus signifie, c'est l'avenir. C'est-à-dire que les Achéens vont être victorieux. Finalement, et ça c'est ce que l'Iliade ne raconte pas. L'Iliade ne raconte pas la prise de Troie, mais elle est évidente, elle va arriver vite après. Donc Zeus donne un signe, donc il y a une dissonance entre la volonté générale de Zeus, qui est la victoire grecque, et ce qu'il veut absolument à ce moment-là, sa décision, c'est-à-dire la victoire troyenne. Donc on est toujours dans cette dissonance, et là il y a un cas où le signe est ambigu, parce que les Grecs sont pleins de la joie donc c'est un mot difficile à traduire, karmé, qui veut dire l'assaut, mais c'est aussi la joie, kara et la grâce, karis en même temps, bon, tout ça est très belliqueux. Donc, caris, oui. Et là, ils repartent à l'assaut contre les Troyens, mais ils vont perdre. À la fin du chant de ce chant-là, les Troyens ont gagné, ce sont les Troyens qui assiègent le camp achéen, avec des feux, des bivouacs qui restent là la nuit, et le chant d'après, Agamemnon est complètement désespéré. C'est-à-dire, il dit, effectivement, Zeus l'a trompé. Et ça, il fera la même chose avec Hector. Zeus, au moment où Hector doit mourir, Zeus dit, mais c'est l'homme que je préfère à Troie, c'est celui qui a été le plus pieux. Donc là, on voit bien cette réalité, donc, de la colère d'Achille et de toutes les colères qui s'en suivent, vont contre l'ordre des choses. Et donc, du coup, c'est ce paradoxe, c'est cette déviance, cette crise qui permet de dire ce qu'est l'ordre des choses, de redire les normes religieuses, etc., confrontées à ce qui leur échappe. Et donc là, on a une vraie pensée de l'histoire, c'est-à-dire que dans l'Iliade, c'est que ça suffit pas l'ordre des choses. Vous avez l'ordre de Troie, c'est pas la même ordre politique, pas du tout le même ordre politique que l'ordre grec. Tous ces ordres sont menacés, s'effondrent, et ce qui prime, c'est l'événement. Et donc, c'est pour ça que là, on revient aux affects, c'est le débordement de la colère d'Achille, sous ses différentes formes, qui va faire l'histoire. Mais ça veut dire que c'est quand le monde est en danger qu'on peut commencer à raconter quelque chose sur le monde. Alors, exactement, il faut un point extérieur. Et le point extérieur, c'est justement cette colère qui est la déviance, qui fait qu'on est dans les marges du monde, dans quelque chose qui est opaque et qui fait pleurer même Zeus. Parce que Zeus, lui, il est en tant que frère aîné des autres Olympiens, il est donc le Zeus père, mais frère surtout, donc dans l'égalité, il est, c'est lui qui tient l'équilibre. Mais lui-même est en crise. Alors lui-même est en crise. Enfin, il hésite. Parce que, Troie doit tomber. Alors pourquoi Troie doit tomber? C'est que, de certaine manière, Troie, alors c'est vrai, c'est la ville fautive, mais surtout, c'est l'âge d'or. Troie, c'est la ville extrêmement riche, la richesse, de l'or qu'on accumule, c'est la beauté, c'est Paris qui est là avec ses boucles de cheveux magnifiques, etc. C'est donc presque comme une femme, donc il est tout à fait, donc on le traite d'efféminé de certaine manière, alors que c'est un guerrier aussi. Et donc Troie, c'est ce qui est au-delà de toutes les divisions humaines qui font une civilisation ordonnée. Troie, c'est l'excès dans tous les sens, mais la beauté aussi. Et donc ça, c'est un rapport de l'humain au divin, ou de l'humain à soi-même, qui est condamné d'une certaine manière. Là où il y a des sources magnifiques, enfin où on lave le linge, enfin il y a des choses. Et tout ça, les Grecs le détruisent. Parce qu'ils empêchent les Troyens de sortir de leur ville, etc. Donc cette civilisation de la beauté doit disparaître. Et donc d'une certaine manière, c'est ça qui est que Zeus entérine la disparition de ça. Mais ça, c'est pas le cœur de l'Iliade. Le cœur de l'Iliade, c'était l'histoire connue, disons, que Hésiode ensuite va raconter. Ce qui compte, c'est comment Troie va tomber. Troie tombe à travers l'excès inouï d'Achille. Alors Achille, en un mot, il aurait pu être le fils de Zeus. Parce que Zeus voulait épouser Thétis, et il y avait une prédiction disant que Thétis allait engendrer un fils plus fort que son père. Donc, quand il a su ça, il s'est abstenu. Et donc, ils ont donné Thétis à un mortel contre elle. C'est un viol, en réalité. Donc, elle a épousé Pélée, et après, elle a un peu de pitié pour lui, parce qu'il est tout décati, quoi. Je veux dire, mais elle a été déclassée. Thétis, qui est une divinité ultra puissante, enfin de l'eau. Qui a dû s'accoupler avec un être humain. Voilà, avec un être humain pour créer Achille, qui est effectivement plus fort que son père. Et donc il y a un rapport très très très particulier qui n'est jamais explicité entre Zeus et celui qui aurait pu être son fils. Mais c'est vraiment Achille le personnage principal. Alors c'est Achille. C'est autour de lui que tourne toute l'Iliade. Tout tourne autour de sa colère, de sa ménie, c'est-à-dire que c'est pas un colère simplement un sentiment, la ménie, même racine que mania, bon, que folie, etc., que ménos, la rage, c'est la capacité d'un être supérieur, divin ou humain, ça peut être un roi, à donc faire payer une part dans une colère, à faire payer un affront. Et normalement, Achille n'aurait pas dû avoir ce pouvoir, c'est un petit roi. Et d'ailleurs, dans l'Iliade, le premier humain qui rentre en colère, c'est Agamemnon, qui lui peut être en colère parce qu'il il a vraiment le pouvoir. Mais ensuite, c'est ce petit roi, mais fils de Dieu, qui va avoir cette puissance de destruction qui normalement ne devrait pas lui revenir. Et toute l'Iliade, c'est ça. C'est que parce qu'il a été lésé, mais parce qu'il est fils d'une déesse, parce qu'il est ocumoros, c'est-à-dire il doit mourir vite. Donc il n'aura pas une longue vie. Donc tout se compacte là, tout se condense. L'histoire s'accélère avec Achille d'une certaine manière. C'est lui qui aura la capacité de dénouer l'histoire. Donc mais de manière paradoxale. Ça veut dire que ce demi-dieu, on peut dire que c'est un demi-dieu. C'est un demi-dieu. Est aussi celui qui est à l'origine de l'histoire. Alors c'est lui symboliquement qui fait l'histoire. C'est très fort. Alors c'est lui qui fait l'histoire et ça c'est pas Homère, ces poètes qui l'ont inventé visiblement. Donc c'est lui qui fait l'histoire. Mais justement, alors le paradoxe c'est d'abord en refusant de la faire, c'est-à-dire en se retirant, ce qui le met dans une contradiction absolue. Lui c'est le héros qui doit tuer, bon c'est puisque c'est une vertu, n'est-ce pas? Donc il doit avoir la gloire par là. La gloire c'est pas de bien mourir, la gloire c'est de bien tuer. Ça c'est les idées chrétiennes du sacrifice. Il y a rien de ça chez Homère. Non, il faut agir bien, c'est-à-dire bien tuer, prendre beaucoup de captifs, captives, etc. Bon, ça c'est pas très gai tout ça. Mais je veux dire, c'est vraiment on accumule la gloire et la richesse en même temps. Donc lui et prendre Troie, ce qui serait l'acte humain le plus grand, mais qui finalement va revenir à Ulysse. Bon, c'est pas Achille qui va le faire, rusé. Et donc Achille, il est comment dire, c'est celui qui a cette capacité-là et du coup, comme il passe par la contradiction la plus grande, parce qu'en ne se battant pas, il est une négation de lui-même. En perdant son ami Patrocle, c'est la négation de lui-même, et ça c'est un coup de génie de l'Iliade, si on peut dire, de pas raconter la mort d'Achille, qui arrivera juste après, quelques jours après l'Iliade, mais la mort de Patrocle, et donc Achille se pleure lui-même. Et il se comporte comme un cadavre à un moment. Il se roule dans la poussière, etc. Donc il est lui-même, il passe par tous les états humains possibles. Et c'est pour ça que c'est un poème qui pouvait toucher le public, parce que le public savait très bien que jamais il n'aurait le destin d'Achille ou d'Hector ou de Diomède ou d'Ajax. Jamais. Ça, ce sont des demi-dieux, si on peut dire. C'est une race humaine qui n'est plus la nôtre. Mais je veux dire, ils ont à travers Achille et les violences qu'il subit, le symbole resserré, contradictoire de tout ce qu'un être humain peut vivre. Et donc, on peut s'approprier ça. Voici la mort de Patrocle au chant 16 de l'Iliade. Tant que le soleil en était à parcourir le milieu du ciel, les traits des uns et des autres frappaient, les hommes tombaient. Mais quand le soleil passa vers l'heure de délivrance pour les bœufs, les Achéens, au-delà de tout destin, étaient supérieurs. Loin des coups, ils traînèrent Cébrion, le héros, loin des cris des Troyens, et de ses épaules retirèrent les armes. Patrocle, avec des pensées mauvaises, chargea les Troyens. Trois fois il chargea, pareil au vif Arès, dans un hurlement terrible. Trois fois il tua 9 hommes. Mais quand il se lança la quatrième fois, égal à un dieu, alors, Patrocle, apparut la fin de ta vie. Car dans l'assaut puissant, Phoïbos vint face à toi, effrayant. Patrocle ne remarqua pas qu'il venait traversant le tumulte, car il attaqua couvert d'une forte brume. Il se tint derrière et frappa le revers de la poitrine et les larges épaules de sa main plaquée vers le bas. Ses yeux furent tournés sur eux-mêmes. De sa tête, Phoïbos Apollon arracha le casque. Il roula, faisant grand bruit sous les pieds des chevaux, le casque à 4 panaches. Et les crinières furent souillées de sang et de poussière. Auparavant, il était interdit que le panache en crin de cheval soit souillé de poussière. D'un homme divin, il protégeait la tête et le front adorable, Achille. Mais, ce jour, Zeus a donné à Hector de le porter sur sa tête. Et la mort était tout près de lui. Toute lui éclata dans les mains la lance au grand trait d'ombre, lourde, grande, solide, lance casquée. Puis, des épaules, avec la courroie, le bouclier frangé tomba à terre. Et le seigneur Apollon, fils de Zeus, dénoua la cuirasse. Le désordre prit sa poitrine. Dessous, les membres lumineux se dénouèrent. Quelle précision, Pierre Judé de Lacombe, dans ce texte, et dans l'Odyssée c'est pareil d'ailleurs, ce qui surprend vraiment quand on les lit vraiment, c'est le sens du détail, le sens des petites choses qui viennent donner à cette violence inouïe la précision de dentelle quasiment. Oui, c'est comme ça, c'est que parfois comme de la marqueterie, je dirais, c'est alors que la violence est là tout le temps. Mais il s'agit de la diffracter, de la faire belle, pas pour en faire l'éloge, mais pour en faire une expérience complexe. C'est la volonté d'une complexité unifiée, de manière que les auditeurs puissent ensuite s'approprier cela et l'emporter chez eux. Et donc c'est vrai que c'est très précis. C'est pas seulement qu'Homère ait été médecin, bon, etc., etc. C'est que il pratique cet art de restitution de la réalité dans sa force, dans sa diversité, dans son efflorescence, si on peut dire, à partir du moment où cette réalité est brisée. C'est ça qu'il donc la beauté est toujours une beauté au passé. C'est une poésie du passé. Et là, on a quelque chose de tout à fait stupéfiant. Si on voit le jeu Apollon. Bon, on peut l'appeler le tireur de loin parce qu'il a un arc. Or là, il vient toucher de la main le dos de Patrocle. Donc il n'est pas appelé le tireur de loin, mais il est appelé Phoibos. Phoibos veut dire le lumineux. Mais alors il a paru effrayant. Donc on dit c'est Phoibos qui apparaît. Après il est dit mais Patrocle ne le voit pas parce qu'il est dans une brume. En plus il est derrière. Il y a toute une réflexion. C'est pour ça que c'est dans le détail que ça se passe, une réflexion sur que signifie l'apparition vraiment de Phoibos en tant que feu, que soleil, que flamme, etc., que lumière. C'est la mort. Eh bien la mort, c'est l'ombre et donc ça se fait par derrière. Donc il y a une espèce de ce sont des images dialectiques si on peut dire. Oui, c'est le soleil qui tue, c'est le soleil qui apporte l'obscurité en fait. C'est le soleil qui obscurcit, ou comme dit une métaphore qu'on a souvent dans l'Iliade, le feu qui efface. Bon, c'est vraiment parce que le feu détruit. Et donc on a ces tensions extrêmes dans le langage, et c'est sur 5-6 vers souvent que ça se passe. C'est la preuve que c'est une poésie orale, une concentration sur le moment présent. Et alors là, on a une scène tout à fait hallucinante et qui a même choqué les anciens, et les modernes n'en sont toujours pas revenus. C'est-à-dire que normalement on tue un guerrier et après on enlève ses armes. Là, les armes sont les armes d'Achille en plus que Hector doit prendre. Les armes sont enlevées et après Patrocle sera tué par deux coups, un coup de lance de Euphorbe et un Troyen, et ensuite un coup d'Hector. Mais donc là, il est dépouillé de ses armes. Or, dans le champ, on est dans le champ 16, dans le champ d'après, on voit Hector qui dépouille les armes de Patrocle. Comme ça se fait normalement sur un guerrier, le cadavre est là, et il enlève les armes. Ouais. Alors que les armes sont déjà tombées. C'est comme si on avait une scène extraordinaire, qui n'arrive qu'une fois. C'est Apollon qui donc gagne contre Patrocle et qui le dépouille avant même qu'il soit tué. Et pourquoi? Parce que les armes qui sont les armes d'Achille, qui sont devenues les armes de Patrocle, doivent devenir les armes d'Hector. D'ailleurs, ce qui compte là, c'est le fait qu'on a trois personnages qui en fait sont le même. Donc c'est qui sont des identités qui s'échangent, parce que Achille, Hector, Patrocle. Ça va être la même. Oui, sauf que Hector est de l'autre côté. Alors Hector est l'ennemi, mais Hector va être tué par Achille qui aura de nouvelles armes dans les armes divines qui sont déjà divines, que les dieux avaient donné à Achille auparavant. Ah oui, donc ce qui fait la personne, l'identité, ce sont les armes. Ce sont les armes. Alors, et là, on a une scène, alors là, c'est extrêmement beau, donc c'est l'objet, là, et comme, de cette manière compte plus, on peut dire que le corps, avant que Patrocle ne soit tué, et donc c'est cette transmission de quelque chose qui, normalement, est unique, ce sont les armes que Achille a reçues des dieux, et là, ça devient... elles deviennent le deuxième, comme dit François Lissarac, donc un grand spécialiste des armes. Les armes, donc, c'est-à-dire le casque, la cuirasse et le bouclier, les cnémides, enfin les jambières, c'est pas l'épée et la lance, c'est la deuxième peau. C'est ce qui fait que le corps devient est magnifié d'une certaine manière. Et donc on a quelque chose de tout à fait surprenant, c'est que Hector est tué dans les armes d'Achille. Patrocle est tué dans les armes d'Achille et ensuite Hector sera tué dans ces mêmes armes. Et là, on a une vraiment idée de ce qu'est le combat, c'est-à-dire c'est l'un contre l'autre. On a une égalité. En fait, ils sont à égalité tous ces êtres, malgré même si une décision doit être prise. Et alors, donc, pour finir, c'est comme au champ d'après, c'est Hector qui va lui-même défaire les armes. On dit oui, donc il y a une contradiction, donc ça peut pas être le même auteur. Ça, c'est la question américaine. Alors que je pense que c'est un mode de représentation. D'abord, on représente une chose extraordinaire, une manifestation du divin tout à fait stupéfiant. Et après, une fois qu'il s'agit d'armer Hector, mais on revient à la norme. Vous voyez, ça, c'est le récit fait comme ça. Il joue avec plusieurs possibilités. Ce qui compte, c'est le montage entre des manières différentes de représenter la même chose. Ce n'est pas une action linéaire. Et ça, je dois dire, c'est l'art contemporain qui nous permet de mieux lire Homère. Parce que nous, avec tout ce qui se passe au cinéma, ce qui se passe, etc., on est beaucoup plus attentif aux discontinuités, aux ruptures, aux rythmes. Et on pense pas qu'une histoire, c'est une histoire continue qui doit se dérouler de manière de point en point. Donc je pense que l'art contemporain permet de mieux lire le texte le plus ancien que l'on ait. Donc il y a un sens du montage au sein de ce texte. C'est le montage, vraiment. Ce sont des points de vue différents. Là, on a vu Agamemnon qui s'adressait à Zeus, c'est du point de vue de la piété. Mmh. Et donc, le dieu pleure. Mais le dieu pleure alors qu'il a lui-même très fortement décidé la ruine des Achaïens, enfin des Grecs, avant de décider la ruine des Troyens. C'est une juxtaposition de points de vue. Donc on pourrait en faire un film. Alors on peut en faire un film. Alors ça a été fait, pas terrible, faut dire. Faudrait faire quelque chose dans la discontinuité. Faudrait oser. Faudrait que ce soit vraiment extrêmement osé dans cette discontinuité et pas vouloir retrouver, comme on voit trop souvent, une atmosphère grandiose, héroïque, etc. Tout ça, ça marche pas. Parce que Homère, c'est une poésie qui vise vraiment à l'intelligence. C'est-à-dire, vous voyez, une chose que vous connaissez bien, l'histoire de Troie, eh bien, je vous le raconte de plusieurs manières. Par exemple, on a, donc, après la colère d'Achille, donc, qui fait qu'il se retire, on a une longue journée de bataille. C'est l'Iliade sans Achille, qui est impossible. Bon, Achille refuse toujours. Après, on a une énorme journée aussi où là, Zeus d'abord fait gagner les Troyens comme il veut, puis il détourne le regard. Et à ce moment-là, on a son frère Poséidon qui lui est pour les Grecs, qui prend le pouvoir. Mais seulement Zeus détourne le regard, c'est tout. Eh bien, il fait gagner les Grecs, au contraire. Donc contre la volonté de Zeus. Alors là, c'est très intéressant ce chant parce que le roi souverain, c'est plus le même, c'est un crétois, et on annonce la fin, on annonce tout ce qui va se passer après, quand les Grecs, effectivement, seront victorieux. Héra voit que Zeus peut, après tout, il suffit qu'il tourne la tête pour qu'il voit que son frère a désobéi, donc elle l'endort. Pour l'endormir, elle fait l'amour avec lui dans une scène extraordinaire, avec des fleurs qui poussent, etc. Bon, une nuée d'or, et donc une scène très comique, et là, on a une espèce de cosmologie tout à fait bizarre, et Zeus se réveille, évidemment, et là, il est fou furieux, et donc il reprend, et c'est là qu'il dévoile son plan. Mais c'est très intéressant, donc Poséidon, un moment, contre l'avis de Zeus, fait gagner les Grecs, et ça anticipe la victoire finale. Mm-hmm. Bon. Donc c'est une manière pour l'Iliade de raconter ce qu'elle ne raconte pas, c'est-à-dire la chute de Troie. Et ensuite, tout ça est évacué. Et donc ce sont à nouveau les Troyens qui gagnent. Et donc, c'est-à-dire qu'on est obligé, avec l'Iliade, de voir la même histoire de plusieurs points de vue différents. Petit côté cubiste, si vous voulez. Donc là, je crois pas que j'exagère. C'est vraiment un art qui est fait pour prendre ensemble des traditions, des points de vue. Et bon, et Homère, comme on sait, ça veut dire celui qui assemble. Il n'invente pas. Le groupe qui s'est appelé Homère a pris ses traditions et des points de vue différents pour dire cette chose inouïe qui est la prise de Troie, mais surtout vue à travers la colère d'Achille. Je vous la raconte de manière à construire des rapports au réel qui, de certaine manière, problématise ce réel. Espérons qu'il existe des Homères contemporains dans le milieu du cinéma qui vous écoutent. Alors ça, je pense que ça serait vraiment bien, mais surtout ça pour dire que Homer, c'est la poésie la plus antidogmatique qu'on puisse imaginer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les bons et les méchants. Les Troyens sont donc ils sont aussi bons que les Grecs, même un peu moins brutaux. C'est notre culture, c'est notre manière de voir les dieux, Athéna, de voir la richesse, etc. Et donc Homer, il à partir de cette situation, donc le hic et nunc de c'était l'événement de la colère et de la mort de Patrocle ensuite, il permet de comme ça de redéployer l'ensemble de la réalité humaine et divine. C'est pour ça qu'il a été considéré comme la somme, celui qui pouvait tout dire, qui contenait tout, mais on peut pas le moraliser. Mmh. Et ça, Platon, de cette manière, l'avait bien vu, disant, mais ces dieux-là, ça marche pas. Et cette multiplicité de points de vue, elle rappelle davantage, d'ailleurs, le baroque, hein, avec cette Alors, forme de perspective. C'est très, très proche. C'est très, très proche de cela, où c'est, mais on voit aussi dans les fresques italiennes, où la même chose peut être représentée de différentes manières. C'est un côté, non, c'est intéressant, c'est même réjouissant de se dire que c'est parce qu'on est passé par Joyce, ou Henry James, ou des gens comme ça, ou la musique contemporaine, qu'on peut être plus attentif à ce qui au grain, si on peut dire, du texte d'Homère, qui est d'une précision inouïe, et qui fait que le même mot, il s'amuse, il prend une formule, et puis il inverse, un mot change de sens, etc. Souvent, on voit, il se connaît pas bien. Il y avait des mots difficiles, bon, de la tradition poétique, il voit pas, et donc il propose plusieurs sens, en disant, ça peut être ça ou ça, etc. Bon, prenez-le comme ça, Hésiode dira autrement. Il y a tout un débat. Moi, ça me rappelle comme milieu, vraiment la Renaissance italienne, c'est-à-dire où, donc, on prend une tradition, et là, il y a eu un Big Bang, je pense. Ça, c'est une thèse que donc le fait de faire de la poésie monumentale comme l'Iliade et ensuite l'Odyssée, qui a eu un effet inouï, et cet effet sans doute pour des grandes, très grandes occasions culturelles, bon, pour Apollon, pour Poséidon, ensuite Athéna. Mais comme c'est diffracté, ça s'est fait aussi pour être repris en famille, si on peut dire, ou dans des palais royaux, etc. On peut chanter un bout, parce que le tout, c'est 3 jours quand même, c'est très long. C'est très long ou c'est très court. C'est vrai que quand on pense à l'Iliade et qu'on le compare à l'Odyssée, dans l'Iliade, il se passe très peu de choses en très peu de temps. C'est très très peu. C'est une action très courte. Ça se résume en 3 lignes. Oui. Mais on va quand même passer la semaine à en parler. Merci beaucoup Pierre-Judel Lacombe d'être venu ouvrir cette semaine. Merci. Entendre le cri de colère de Zeus, c'est Richie Havens qui le chante. En attendant demain et la suite de cette série sur l'Iliade en compagnie d'Heinz Wissmann, qui vous racontera comment l'Iliade était le chaos avant l'unité amenée par la philosophie, un itinéraire passionnant, vous pouvez lire la biographie de Homère que vous proposez, Pierre-Gilles de Lacombe, en folio biographie, enfin de Homère justement, vous revenez sur l'existence ou non de cet auteur présumé. Vous pouvez lire l'Iliade, alors non pas dans votre traduction, puisqu'on va l'entendre encore quelques mois, l'attendre en quelques mois, 2019, c'est ça? 2019, c'est juré. C'est juré, bon, vous verrez avec votre éditeur. Mais vous pouvez lire l'Iliade dans d'autres traductions, j'ai celle de Jean-Louis Baquès sous les yeux, il en existe plusieurs autres, et d'ailleurs, tout au cours de cette semaine, nous vous proposerons d'entendre différentes traductions. Et dès demain, vous retrouverez le journal de la philosophie, non plus présenté par Géraldine Mosna-Savoie pendant quelques semaines, rassurez-vous, mais par Anastasia Colosimo. Ce sera demain à 10h52, comme d'habitude. Un grand merci à Isis Jourda qui a préparé cette émission avec Colomba Grossi, Marie Simon, Sharon Houry, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger à la réalisation, Élise Leu à la prise de son et Georges Kless à la lecture des textes. On se retrouve demain donc pour la suite de notre série sur l'Iliade en compagnie du philologue et philosophe Heinz Wissmann qui nous racontera qu'avant la philo, c'était le chaos. C'est une manière de le dire, vous verrez, c'est absolument passionnant. Rendez-vous sur les réseaux Twitter, Facebook et Instagram où nous vous attendons. On attend vos remarques et commentaires concernant l'émission du jour ainsi que les précédentes et celles à venir. Et surtout, vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site de France Culture à la page des chemins de la philosophie, la réécouter en ligne ou bien la télécharger, la podcaster. Pour l'écouter au moment de votre choix et au lieu de votre choix, rappelez-vous que l'Iliade de Homère est un chant, qu'il parle au présent, qu'il s'adresse à des auditeurs, tout comme nous, donc c'est un texte parfaitement adapté à la radio, enfin vous nous direz.